You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir. Alors, tonight, I am by myself a little bit. Adrian's busy. Romain's not back yet. But when one's going to come back, the other one's going to leave. But I'll still be there. So tonight is a special night to celebrate recreational marijuana being legalized in Minnesota. So all the songs you're going to listen to tonight are about pot, Mary Jane, marijuana, weed, la beuh, de l'herbe, grass, all that kind of things. So some song against drug too, like about the abuse and that sort of thing. But first, because this week on Thursday at the Eagle Club, there's going to be Joe Hall and the Louisiana Ken Cutters. And they're going to be there for the evening. So there's a small fee, but if you like Cajun and Zydeco music and that sort of thing, feel free to go. I think we have the event on our Facebook page, but I will recap about the event coming up around 9 o'clock anyway. So we're going to listen to three songs from them. The first one is Bosco Stomp. The second one is La Robe à Parasol. And the third one is Créole Mardi Gras. Mardi Gras. On y va? Yeah. Et voilà, voilà. We just heard three songs. Three songs like Zydeco songs from Joe Hall and the Louisiana Cane Cutters. And they're gonna be at the Fraternal Order of the Eagles, and it's located 2507 East 25th Street, and it's on in Minneapolis, and it's on Thursday night. So it's coming up. Voila, voila. All right, so the three songs we listened to, let me get back to them. The first one was Bosco Stomp. The second one was La Robe à Parasol. And the third one was Creole Mardi Gras from the album Proud to be Creole. And now we're going to start the series about pot smoking and any kind of drugs or songs about drugs, and that should be fun. So the first songs we're going to listen to are from a band that really got famous because of it, because of drugs in general. I mean, like, they had a couple of songs. So the first one is Ma Plante. This one is one of the most recent ones. It's from 2001. But the two that were super famous in the mid-90s that I know a lot, it was from 1994. It was OCB, or OCB, and OCB is it's a brand of cigarette paper, and that was used a lot to smoke pot. I had some friend doing that. I didn't touch it. But after that, it's going to be Mangez-moi, Eat Me. And she's talking about going in a forest and trying to find some mushrooms. So this one was also about drug and pretty famous. So it's Billy the Kick, qui est les gamins en folie. Et on y va. Juste ce qu'il faut de collante. Sa résine m'illumine à coups de chevrotine. Elle m'assassine. Elle est bulbeuse et allumeuse. C'est une païenne rageuse. Elle a 2000 ans, ma plante. C'est une survivante, ma plante. Elle est ma Mangez-moi, Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du silo qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuches et surtout des pochons solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y'a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Ne me décourage pas, ouvrons les oreilles et écoutons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Au doigt tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là c'est sûr, il est connu. Putain franchement, comment veux-tu? Maintenant il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger? L'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était humide, suffisamment acide. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Gare à la descente, gare à la descente, gare à la descente. Corey Henry at the Dakota on Monday, August 7th. Corey Henry is a Grammy-winning artist, composer, producer, multi-instrumentalist, all-around keyboard master, and was also previously a member of Snarky Puppy. And during his time in the band, he garnered 3 Grammy Awards. He will be performing songs from his most recent release, Corey Henry, Live at the Piano. Tickets for Corey Henry can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Support comes from Two Betties, providing green cleaning services to Twin Cities homes and businesses since 2006. Two Betties fact number 25. Two Betties cleaners spray, then wait. Many cleaning products need time to work most effectively. Two Betties gives their eco-friendly cleansers the time they need to clean completely. A 5-minute pause makes for more efficient work and a cleaner clean. Learn more at TwoBettiesClean.com. That's TwoBettiesClean.com. Et voilà, voilà, I am back. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie, and I'm here every Tuesday, 8 to 10. Normally, I have some friends with me and a co-host, but not tonight. Next time, probably, Romain should be back. So, we just listened to 3 songs from Billy the Kick, Elegamment Folie, The first one was Ma Plante, My Plant. And of course, she's talking about marijuana. And it was from 2001, from her album Verdure and Libido. And then after that, it was OCB, which is the cigarette paper often used for pot. And Mangez-moi, Mangez-moi was about mushrooms. So, and the two last ones are from 1994 and from their eponym album, Billy the Kick et les Gamins en Folie. I want to thank the First Ave and the Turf Club for the concert and for the ability to have our listeners getting tickets. Saturday night at the Turf Club, there was a band called L'Éclair, or the, you know, Lightning. And it was fantastic. It was great. The first part was great. The second part was great. And they are Geneva based and they are instrumental, but very funky and groovy. It was great music. So thank you, thank you, thank you. And I had the feedback from one of our listeners who get the ticket, and she really liked the concert. And another big shout out and thanks to the Dakota Dakota Jazz Club, because I was able to give tickets away. Now they're all gone, but they'll come back eventually. I mean, you know, they are local, but tomorrow, and I'm pretty sure there's still some space if you really want to go, it's Café Accordéon Orchestra at the Dakota. It starts at 7 p.m., and there's going to be the whole band. So it's Dan Newton and Eric Morin, and, you know, it's very eclectic, and there's some French and Latin and Bohemian and a little bit of everything. So that's really cool. So I recommend that you check it out. And congratulations for people who call and get tickets for it. All right. Well, tonight, because it's August 1st and in Minnesota, it's one of the laws that passed is legalization of recreational marijuana. We are celebrating through songs. So the first song of this set we're going to listen to is from FFF. They were big in the 90s, and it's Fédération Française de Funk. And the name of the song is La Complainte du Plombier. The plombier is the... Oh, I don't remember the plombier. I have a blank. Is the person who fix pipes and bathroom and he's complaining. So that's what the song's about. Then Nino Ferrer with Cannabis. And then Camille Lelouch with Fumette. It's... La fumette is another word for fumer or smoking, but it's more about pot, so we don't really talk about it about regular cigarettes. So, all right. On y va. Whoa, yeah. la dure à vie. Pas tous mes choix. Oh. Ah, pas tous mes choix. Oui. Oui. Oh, oui. viande, aux hormones, la mer, pleine de merde, le monde, en plastique, la structuration, le métro, cannabis syndical, chanvre et Marie-Jeanne, opium à chiche, Blanche-Neige, sticky, tupé, joint, rêve et voyage au bout de la civilisation, dit-il à midi et la nuit. Et la nuit. Et la nuit. Et la nuit. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Je vais pas me prendre la tête, toi tu m'embêtes. T'es trop fatigué, tes couilles sont passées où ouais. Faut assumer quand on merde, s'excuser quand on merde. Tes trucs de victime m'amusent, garde-les pour tes petites. J'sais bien ce que tu dis, mais tu te prends pour qui? Qui me met dans son lit? Doit assumer ses dires. Moi, j't'ai rien demandé, non. J't'ai rien imposé, c'est toi qui m'as fait miroiter. Oh, oh, oh, oh. Tes paroles sont cesse, c'est galère. Parler à un fou, c'est galère. T'es trop mytho, ouais. Dès qui je m'y perds, supporte plus ton mal-être. T'as voulu me la mettre et t'as raté ta quête. J't'avais déjà mis 15 mètres. Dis à ta mère ce que tu m'as dit. Et même à elle, tu lui as dit. J'suis la femme de ta vie. Tu m'aimes à la folie. Quand tu mets dans la merde, tu tailles comme un petit. Et si t'es pas célibataire, pourquoi tu le dis pas? Pourquoi? Moi j'ai trahi personne, y'a que toi qui a fait ça. Si les gens ne te connaissent pas, moi je te connais bien. Quand tu pleures dans mes bras, tu me dis je t'aime pour rien. Rien, rien. Rien, rien. Rien que tu me dis je t'aime pour rien. Rien, rien. Rien, rien. Rien, rien. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. J'aime pas les histoires, j'ai horreur de ça. Tu m'as mis dedans, j'assume, j'ai pas le choix. T'as pris ma pudeur, mon intimité. T'as pris un bout de moi, j'ai rien demandé. Oh. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Et voilà, voilà. So, we just listened to three songs. The first one was from FFF, Fédération Française de Funk, with La Complainte du Plombier, and then Nino Ferrer with Cannabis, and then Camille Lelouch with Fumette. And we are on to, you know, cannabis and drugs in general for the theme of tonight. So we're going to keep on going. We're going to listen to two songs from Ludwig von 88 or von 88. The first one is La Granja, and the second one is Pocahontas. And then Tonton David with Ils ont appelé la police pour moi. Allez, on y va. Vous savez, quand j'étais petit, j'essayais de faire pousser du cresson sur du papier buvard. De cette façon, c'est beaucoup mieux. I'm sur la bécane. Tu m'as dit fais péter le produit, que je sors complètement bouillard. Le temps d'aller c'est un coup, tu m'as pourri mon jeu doux. Et tu t'es cassé bien Irish, chassé là les mâles dans la prairie. Cette histoire là, un jour la flicaille est arrivée chez moi. Drink, drink, ça sonne à la porte, j'ouvre et qu'est-ce que je vois? Un gros moustacheux en képi qui commence comme ça. Bonjour monsieur, nous étions au commissariat. On nous a appelé pour dire et je n'invente pas que dans tout le couloir, ça sentait la ganja. Ça sentait la gang quoi, ça sentait la ganja. Pourquoi venir chez moi? Parce que moi c'est un rasta. Il commence à parler, ou plutôt même à brailler, me disant que de toute façon il était avec ses collègues et que je l'ai porté tête, c'était pas dans mon intérêt. Son supérieur arrive, me regarde stupéfait, prend un coup des sourcils, se recule pour mieux voir et d'un coup se retourne vers son subordonné. Et les bons qu'est-ce les faire d'aller pas verbaliser? C'est ton tour d'habitude qui passe à la télé. C'est Jean-Paul Jacques, c'est après, c'est ça. Et voilà, so we heard three songs. The first one, the two first was for Ludwig von 88. The first one was La Ganja, and it was sounding like La Bamba, but the lyrics were quite different. The second one was Pocahontas, and the chorus is, you know, every time I see you, you're completely stoned. And the third one was Tonton David with Ils ont appelé la police pour moi. They called the cops on me because he was smelling like ganja in his place. So it's a special part tonight. So a song dedicated to drugs and cannabis and in general. So we're going to keep on going. First, I'm going to do the announcements and I'm going to talk a little bit about the events coming up. I talked about some of them earlier, but yeah, I want to make sure that you know about it. Just so you know, if you missed part of the show because you were busy and you have a life, all the shows are archived for at least 2 weeks on the KFAI website at kfai.org. But otherwise, we also put our shows on archive.org. So if you just go to archive.org and look up Bonjour Minnesota, you'll find our shows since 2012, I believe. All right. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Voilà, voilà. So now, let's talk about some of the events we haven't talked about yet. Les navigateurs de la littérature are going to be on Wednesday, but not tomorrow, the Wednesday after. It's a book club organized by the Alliance Française. It's from 7 to 8. If I'm not mistaken, it's still online. And yeah, you can just get some more information about it at afmsp.org if you want to participate. Then on Saturday morning from 9:30 to 11:30, there's going to be the Petit Déj. And the Petit Déj is an event that the Alliance Française is organizing every month, the first Saturday of the month. And it's very nice. It's a conversation group, and that allows you to meet with people from the Alliance Française and meet with other French speakers. And they have coffee and bread, and there's the cafe also. So feel free to come and visit. It's pretty nice. More specifics at afmsp.org. I talked a little bit earlier about it, and Joe Hall and the Louisiana Ken Cutters Zydeco Band are going to be at the Fraternal Order of Eagles. It's in Minneapolis. There's a cover, and it's from 7:30 to 11, and they're playing Zydeco music. So they're pretty cool. I played three songs at the beginning of the show. Eric Moran is the one who picked them because he likes them a lot. And talking about Eric Moran, he's going to be tomorrow with Café Accordéon Orchestra at the Dakota Jazz Club and with Dan Newton. So they have a lot of variety, French and Latin and, a lot of things like that. And it's very nice. So congratulations to our listeners who won tickets to go see them. And if you can always, go and check him out. It's pretty affordable. So Dakota Jazz Club, it's in downtown Minneapolis. All right. All these events I talked about are also on our Facebook page, Bonjour Minnesota. So I recommend that you follow us. We don't put a lot of spam. Typically, we share events, share them as a page, and put some articles about either music or cultural fact about France or, Francophone countries. And the last thing I wanted to talk about was the fact that the FIFA World Cup the Women's World Cup is going on right now in Australia and New Zealand, and it's great games, but it's almost the end of the groups, and a lot of the teams have been qualified already. And it turns out that tomorrow France is going to play Panama at 5 a.m. So I think it's early enough that I can watch it. A lot of the other games are at 2 a.m. and 2 a.m. is a little bit early. But 5 a.m. is, I think I'm going to get up for it. It's either on Fox Sports, I believe, what they say, FS1, or it's also on Universal and Peacock. On Peacock is in Spanish, but I have Peacock and not FS1, so I'm practicing my Spanish at the same time. And and some teams have already qualified, so it's good to hear. We are, for the next part. So England, USA, Nigeria, Australia, Denmark, and more to come. All right, well, let's keep listening to songs about pot and weed and whatever you want to call it. We're going to start with a song from Massilia Sound System called Tension du Bambou. And this song is about two friends who are arguing about whether they should smoke it all in one shot or just split it and, this way it lasts longer. So one is cheap and for the pleading, and the other one wants to blow it all. Then after that, we're going to listen to Pierre-Paul Jacques with Cultivateur Moderne. And cultivateur is like agriculture. It's like someone who's growing stuff. And so he's talking about weed. And Matt Mata with L'Apologie. And he's doing L'Apologie like a little bit like the... How would you say that? It's not an apology in English, but it's more like a pedestal, you know, like putting something forward. And he's comparing the pot with alcohol and the dangers of it. So, all right, on y va. Ma quel instrument qui se sonne la crabe, vous en soit une aire traditionnelle marseillaise. Carrière ou débat tactique, nous allons faire tous les deux. Quand la boulette est petite, faut-il faire un joint ou deux? Faut-il tout fumer de suite ou en garder un petit peu? Répondez-moi, je le veux. Moussu, tu tombes à pique, ce sujet je connais bien. Ah bon? J'ai tant d'années de pratique que mon choix sera certain. Moi, je fais un micro-stick et le reste dans un coin. Je le garde pour demain. Carrière, c'est vraiment grave, je te reconnais bien là. Ta tactique est super naze, car on n'est jamais fracas. Mets-toi donc à la gauloise et cours aussitôt au tabac. Ils n'attendent plus que toi. Moussu, t'es comment tu parles, moi je suis resté poli. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand il n'aura plus que dalle, qui viendra faire le joli? Qui partira en cavale au beau milieu de la nuit pour un choco de cambouis? Carigré, on met la ceinture car j'élève le débat. Même si pour toi c'est dur, quand on aime, on compte pas. Et dans l'Afrique en friture, il n'existe qu'une loi. Fumer ne calcule pas. Moussu, t'es si on t'écoute, on est dans un beau merdier. On est des mamés sans doute, mais un seul jour par année. Si on te suit, on est moute, même en début de soirée. À 8h, on est couché. Ça me prend la tête, je vais te dire franco. Allez, dis-moi. Je devais me rouler un pet et j'y mettrai tout le morceau. Et sur une autre planète, je partirai aussitôt. Loin de tes plans de colo. Il faut d'aller. Moussu, t'es allé, dégage, tu m'as gonflé le testo. Ah, tu parles mal. Et si j'étais pas si brave, ça finirait en baston. Allez, la violence, allez, vas-y. De parole, tu te caves, mais c'est moi qui ai le chichon. Tu vas rester comme un con. Crois-le, hein. Hop, la bande de mastre. Il faut arrêter les frères. V1 dirait de Jolastre. Vous allez nous faire manquer. Donnez-moi cette boulette et deux feuilles de risla. Un morceau de cigarette et ça ira comme ça. Un de ces cultivateurs modernes, sache que la main verte est l'expression de la création. Si t'es un smoker de Saint-Emilia, mais pas de gras, ouais, sache que la beuvette vient du ventre de la terre, notre mère. Paré pour le jardin, enfile tes bottes et viens. Il faudra marcher dans la forêt par les petits chemins, car une plantation reste secrète, tu le sais bien. Tu ne dis pas n'importe quoi, tu n'amènes pas n'importe qui. Les chasseurs et les gendarmes sont nos ennemis. Et les taxeurs le sont aussi. Je dis si t'es par hasard un de ces dreads horticulteurs. Ta passion pour ces fleurs est tout à ton honneur. Si t'es un smoker, soutiens-nous les plaintes. sache que la Beuvère vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tu connais le développement, la floraison et le gel. L'eau de pluie est la meilleure, avec son pote le soleil. N'enlève pas ses feuilles au début, ton pied ne peut pas grandir. N'arrache pas toutes ses branches, man, tu le fais souffrir. Boycott la poudre chimique de chez Babylon Garden. Tu fabriques ton engrais naturel, ça en vaut la peine. Je dis si, c'est par hasard, un de ces cultivateurs modernes sache que la main verte est l'expression de la création. Si tu fais un smoker de Saint-Emilia, mais pas de gras, ouais, sache que la beuvère vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah, yeah, yeah. Tu as besoin de matériel quand tu le fais à l'intérieur. Tu es seul avec Jah quand tu es à l'extérieur. Les productions chimiques au cœur du béton me rappelle ces poulets entassés à sous les néons. Lâche ton cas manipulé, ne me procure pas ce que je veux. Si je fume de la weed, c'est pour être plus près de Dieu. Je dis si c'est par hasard un de ces duels d'horticulteurs, car passion pour ces fleurs. Et tout à ton honneur, si t'es un smoker, oh, soutiens-nous les plantes, et sache que la beuvère vient du ventre de la terre, notre mère. Pas l'agresseur, le peuple tout entier pourrait mieux choisi le Marocco. Les alcools ont leur soulard, le canard c'est le panard. Y'en a qui le mystifient, moi je fais son apologie. L'alcool et le tabac ont le droit de tuer, car au compte de l'État apporte leur denier. Messieurs, dames, mourrez donc d'alcool et de fumée. La patente est payée, la mort autorisée. Et voilà, voilà, we just heard three songs. The first one was from Massila Sound System, Tension du Bambou. And at the beginning, you can hear like some traditional thing. And one of the things I didn't specify is that they are from Marseille. And it's a band, but it's also a collective. There's a lot of people contributing to it. So they're pretty cool, pretty reggae. And then after that, it was Pierre-Paul Jacques with Cultivateur Moderne. And just now was Matt Mata with L'Apologie. And Matt Mata is from Brittany, and they're pretty successful. They're pretty awesome. I mean, this one was about part, and but, you know, even when they do rock, there's a little bit of music from Brittany infused, but not too... I mean, this one was a little bit more because it was their first album, but now they're a little bit more rock. So that's pretty cool. So tonight the theme is about pot, because weed, recreational cannabis or marijuana is legalized in Minnesota. So that should be fun for those who want to use it. And it's like any kind of things. You should use it in with moderation and not in excess. All right, so now we're going to listen to a band called Stup Flip. And I think I've known about them from Emeline Perez, so they are pretty fun. I really like them. So the first song we're going to listen to is Tellement Bon, So Good. The other one is Je Fume Plus de Shit, I'm Not Smoking Pot Anymore. And then we're going to listen to Alain Bashung with Je Fume Pour Oublier Que Tu Bois, I'm Smoking Pot To Forget That You're A Drinker. All right, on y va. Je ne fais que d'une feuille, dans ma tête je sens les failles. Je m'emmènerai dans mon cercueil un petit bout de truc et de la taille. Je suis devant mon ordi, mais le temps s'est arrêté. Je fais que des tourneries et jamais ça va s'arrêter. Fumette qui frappe les groupes de rap, Digger des 90, Kierno qui fume 8-6. Ça tourne en rond, ça n'a pas de sens. Paradis artificiel, tous les jours je fais du sol. S'arrêter c'est difficile, continuer c'est suicidaire. Camarade des goûts de foule partout. J'étais certain de l'avoir mis là. J'étais certain de l'avoir mis là. J'étais certain de l'avoir mis là. Mais en fait il était là. Putain super cool, j'enroule un gros. Ça fait pif pouf dans le ciel. Quand j'ouvre mon logiciel, me sens plus seul. C'est l'étincelle, c'est mieux que soul. Je trouvais l'universal. J'étais dans l'univers seul. Je suis l'ours color gold. Je suis dans l'universel. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. Pas de musique sans le chitin, toute la journée dans le chitin. Qu'est-ce que je ferais sans le chitin? Je sers à rien sans le chitin. Je me sens pas bien sans le chitin. Tout paraît fat sans le chitin. Je m'amuse pas sans le chitin. Je parle pas sans le chitin. Je comprends pas sans le chitin. Je respire pas sans le chitin. Je t'abandonnerai pour le chitin. Je me castrerai pour le chitin. Je me suiciderai pour le chitin. Je t'écraserai pour le chitin. C'est pas bien. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. C'est la vie qui t'a. Oui, paye, mais pour la tarte aux pommes, deux ou trois golden, un petit verre de rhum, un bâton de cannelle. Rouler, rouler bien la pâte, introduire dans l'âtre, ça me coûte goutte à goutte, goutte à goutte, goutte. KFAI is proud to present Sir Richard Bishop at the Cedar Cultural Center on Sunday, August 6th. Sir Richard Bishop is best known for his 26-year involvement with the band Sun City Girls and as an experimental solo guitarist whose work often reflects the shadow worlds of India, the Middle East, North Africa, and beyond, combining soulfulness and advanced technique with a panache that's nearly unrivaled among today's guitarists. Tickets for Sir Richard Bishop can be found at the Cedar Cultural website. Visit thecedar.org for more details. KFAI is proud to present Cindy Lee and Freak Heat Waves at the Turf Club on Tuesday, August 8th. Cindy Lee is a Durham, North Carolina-based songwriter, performer, and recording artist known worldwide as one of the last great lounge singers and as a living guitar legend. Joining Cindy Lee are contemporaries Freak Heat Waves, whose music is a heady cocktail that defies any attempts at easy categorization, incorporating elements of post-punk, psych, dub, ambient, house, and techno. Tickets for Cindy Lee and Freak Heat Waves can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Hey, voilà, voilà, this is Freddy, I'm back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, listener-supported radio, and we are very grateful for you to listen to us and to give us money whenever we ask for it, or whenever you feel like it. You can also become like a sustaining member and, not having to worry about it anymore. So I pick a selection of songs about drugs in general, more about cannabis and marijuana, to celebrate Minnesota legalizing the recreational marijuana. So we just listened to Stup Flip with Tellement Bon. He wants to stop, but it's so good. Then another from Stup Flip called Je Fume Plus Cheat. I'm not smoking anymore. And pot. And he's doing a lot of more things, but he's going back to it anyway. And then Alain Bashung with Je Fume Pour Oublier Que Tu Bois. I smoke to forget that you're drinking. And we're going to keep on going with that. So the three songs we're going to listen to. The first one is from Hubert Félix Thiéphen. Actually, the two following ones. So the first one is La Fille du Coupeur de Joint, the daughter of the guy who's cutting joints. Then Les Dingues et les Paumés, the crazies and the losers. And then from a band called Queer, which mean, leather and small punk, and it's pretty quick, pretty short but intense. It's Prenons de la drogue, Let's Take Drugs, and it's a cover. All right, on y va. Chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. sa pelle se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie et se font boire le sang de leur vision perdue et dans leurs yeux mescales masquant leur nostalgie ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leur ligne et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Les dingues et les poumées se traînent chez les Borgias, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll. Puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cou. Et lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moine et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poumées s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, mais maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Ils disent à leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazo. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar. Well, I wouldn't follow the last advice about prenez la drogue, but, you know, it's up to you. It was Hubert Félix TFN with La Fille du Coupeur de Juin, and that was a live version that I really like. Then, still Hubert Félix TFN with Les Dingues et les Paumés, and it has been remastered in 2022, but it's more like a early 80s type of single. Then Cuir with Prenons la Drogue featuring Steve from Abuse. And we're going to keep on listening to songs about drugs. We have another 20 minutes. And if you missed the show and want to listen to it again, we are on the archive. Also, my other show, my web show called French Influences Radio Show Therapy. The episode 129 is going to be out on Thursday. So, and I've been alternating in between songs that I like, that I used to like when I was a teenager, and Emily in Paris and others. So this show is going to be about the soundtrack of Emily in Paris, episode 5 and 6. And the soundtrack is great. I mean, I like the show. It's pretty nice. I mean, it's nothing exceptional, but yeah, I mean, it's nice. But the soundtracks are great. So, all right. So now we're going to listen to three songs from talking about drug from someone who was, I don't know if he was doing drug, but he was drunk very often, and especially on TV. That was the 80s for you. And I'm talking about Serge Gainsbourg. And the first song we're going to listen to is Aux Enfants de la Drogue, Aux Enfants de la Chance, sorry, to the children, to the lucky children who were lucky enough to avoid drugs. Then we're going to listen to Brigade des Stupes, and the Brigade des Stupes is the equivalent of the Narcotics. And then Coco and Co, which is a little bit older. All right, on y va with Serge Gainsbourg. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les trans des shoot. Et du shit. Je dirais en substance, ceci touche pas à la poussière d'ange, angel dust. En shoot. Ou en shit. Zéro héros à l'infini. Je dis, dites-le et dis-leur de casser la gueule aux dealers qui dans l'ombre attendent leur heure, l'horreur de minuit. Shoot. Shoot. Chance, qui n'ont jamais connu les trans des shoot. Du shit. Je dirais en substance, ceci ne commettez pas d'imprudence, surtout n'ayez pas d'impudence, shoot. Vous foutre en l'air avant leur délite, comme Saint-Lantin et dites, et dites. Je dis, dites-leur. Qui dans l'ombre attendent de l'heure, l'horreur de minuit. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Shoot. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les trans des shoot. Et du shit. Leur heure, l'horreur à la brigade des stupes. Je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon split. Ils ont trouvé mon paf à la brigade des stupes. Un ancien matof qui est complètement louf. Toujours à moitié pas à la brigade des stupes. Il défixe la schnouf. J'ai les moules, je flippe. Par mon genre de trip. À la brigade des stupes. C'est un scoop, là que l'ancien mataf me demande un autographe à la brigade des stupes. Je leur dis je fume que les troupes. Je suis la petite poupe du cinématographe.

le rhum est sans danger, le rhum est sans danger, l'alcool est sans danger, le rhum est sans danger, le rhum est sans danger, l'alcool est sans danger. Ami, soigne ma peur et mon courage, la vie a mordu mon cœur et mon courage. Mes sentiments, toi mon médicament, sois mon médicament, prépare mes sentiments. À quoi avons-nous donc renoncé, pour nous croire si invulnérables? Vois-tu mon visage te montrer, comme mon sourire me fait mal. Good night, and I'll be back next week.